là. Oh, tu sens bon, je m'en vais. Jésus, ce sera pour tout à l'heure. Mes amis, comme les événements que j'ai vécu à Singapour m'ont légèrement déprimé, j'ai décidé de me remonter le moral. Comme une gonzesse de base, j'ai été faire les soldes. J'ai commencé par chez Nicolas pour voir à combien le schnapps était soldé. J'enchaîne avec Etam pour une série de petits strings en coton, en toile de coton, et puis je tombe en face d'une boutique dont le nom m'a rappelé mon Tyrol natal. Paul Schmitt. Je rentre en chantant Lily Marlène, et là un type arrive, l'air coincé, et me dit... Bonjour monsieur, bienvenue chez Paul Schmitt, est-ce que je peux vous aider? Ben oui, pourquoi pas. Vous avez quelque chose de précis? Non, j'ai envie de faire de bonnes affaires, comme c'est la fin des soldes, mais voilà. Parfait, nous avons une petite chemise tissée 100% poil vierge, un confort inimitable qui adoucira, grâce à la noblesse de sa matière, la dureté bestiale de votre physique barbare. Flatteur. Oui, mais là, non, ça fait un peu pédé, non? Et alors, y a pas de mal? Bon, mais si vous le dites, combien mon chef d'œuvre? Ça fait 600. Vous comptez payer ou continuer à rire comme un yak? Ben, je sais pas encore, mais en attendant de prendre ma décision, je crois que je vais t'en mettre une. Et je vais coller une bonne grosse mornifle. Comme il bougeait encore un peu, j'ai fait... Pipi dessus. Ah, il m'a vu énerver, Bibifoc, hein. Et puis, de l'arrière-boutique est arrivée une radasse. Ah, mais une radasse. En 5 minutes, elle m'avait fait acheter 3 chemises en intestin de porc et un menton moustache de loutre. Comme je venais de débourser 12 430 euros, elle m'a invité à prendre le thé dans la réserve. Quand je me suis mis nu, elle a tiqué, alors, pour pas perdre de temps, j'ai... Je sais, c'est pas joli, joli, c'est même pas très fair-play, mais... J'ai collé ma bouche de sanglier du désert à son oreille de truie du Caucase et j'ai chanté « Doucement, sans faire de bruit, je vais enlever tes habits, tu vas comprendre ta douleur. » Et là, j'ai même pas eu le temps de finir ma chanson. Elle a arraché sa salopette en poil de poule. Elle s'est attachée à la grille du magasin. Elle a craché un liquide vert et épais. Elle a vu tourner sa tête à 360 degrés et elle m'a dit « Baisse-moi. » Je vous ai vu, les amis, j'ai eu un peu les jetons, alors je suis parti en courant, tel un guépard qui a mal au boule. Bon, je vous laisse, je dois aller m'acheter des tongs en croco. En Wiedersehen. Tu les as déjà...